franceinter.com. Il s'agit là, sans doute, d'une des affaires les plus mystérieuses de l'histoire de l'espionnage. Mais une histoire qui, a posteriori, fait froid dans le dos. Car si elle avait été menée à son terme, elle aurait pu donner lieu à une terrible conflagration mondiale, une véritable guerre atomique. Mais, comme dirait Monsieur X, n'allons pas trop vite. Au départ de cette histoire se trouve la disparition d'un sous-marin soviétique. Une disparition parmi beaucoup d'autres, car nombreux ont été ces engins de la marine soviétique à connaître de sérieux incidents, entraînant la mort de dizaines de sous-mariniers. Celui-là, de la classe Golf II, portait le matricule K-129. À la fin du mois de février 1968, ce sous-marin équipé de missiles nucléaires quitte sa base de Rybachiï dans la péninsule du Kamtchatka. Il doit en principe effectuer une mission de routine dans le Pacifique, mais on le verra, c'était un camouflage. Le K-129, commandé par un officier très compétent, embarque 98 marins. Aussitôt après son départ, il prend la direction du sud. On ne le reverra jamais et on ne sait toujours pas vraiment ce qui lui est arrivé. Seule certitude, une explosion s'est produite à bord dans la nuit du 7 au 8 mars alors qu'il remontait en surface. Il se trouvait alors à 355 milles nautiques de Hawaï et de sa fameuse base de Pearl Harbor. Grâce à leur système de surveillance satellitaire et hydrophonique des mers du monde entier, les Américains ont été les premiers à détecter la catastrophe. Dès lors, une authentique course à la montre va s'engager entre les marines des deux superpuissances afin de percer le mystère de la disparition du K-129 et tenter de surprendre les secrets qu'il a emportés avec lui jusqu'au fond de l'océan. La suite, dans un instant, avec Monsieur X. Республик свободных схватила на веки великая Русь. Да здравствует созданный воли народа единый могучий Советский Союз. Yeah. Je dois vous dire tout de suite que cette affaire n'a jamais été vraiment éclaircie. Et que malgré la fin de la guerre froide, ni les États-Unis ni les autorités russes n'ont réellement consenti à ouvrir ce dossier. C'est si vrai que lorsque la CIA, comme elle le fait régulièrement, a publié des documents déclassifiés relatifs au naufrage du K-129 en 2010... Donc très récemment. Oui. Ouais. Eh bien, elle a caviardé de nombreux passages de ce rapport. Des passages censurés, alors. Et c'est donc qu'aujourd'hui encore, certaines informations demeurent embarrassantes. Ou contiennent des éléments qui ressortent de la sécurité des États-Unis. Si longtemps après. Ah, car il s'est quand même écoulé plus de 40 ans. Depuis le naufrage du K-129, c'est-à-dire l'importance de cette affaire. Une affaire qui va donc bien au-delà de la simple disparition de ce sous-marin. Alors, par où commence-t-on ? Le K-129 était un sous-marin de la classe Golf II. Un bâtiment de presque 100 mètres de long sur un peu plus de 8 mètres de large. Principale caractéristique, il bénéficiait d'une propulsion classique, moteur diesel, quand il était en surface ou juste sous la surface, et un moteur électrique alimenté par de puissantes batteries en plongée. Ouais. Et son armement, hein ? Il était équipé de 3 missiles balistiques de la dernière génération. Des engins nucléaires ? Oui, ouais. Et le K-129 pouvait les tirer alors qu'il se trouvait en plongée. C'est d'ailleurs ce qui le différenciait des sous-marins Golf 1, qui devaient faire surface avant de tirer. Sinon, les deux sous-marins se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Ouais. En tout cas, ce Golf 2 était donc une arme redoutable. En effet. Car même s'il n'était pas propulsé par un moteur atomique, comme les derniers nés de la marine soviétique, sa furtivité était telle qu'il était très difficilement détectable. J'ajoute que le K-129 pouvait aussi emporter 16 torpilles, dont 2 étaient équipées de têtes nucléaires. Quelles étaient ses missions ? Ordinairement, le sous-marin quittait sa base de Rybachi pour 2 mois. C'est ce qu'on appelait des missions indépendantes, c'est-à-dire que le sous-marin patrouillait dans le Pacifique Nord et s'approchait parfois assez près des côtes américaines. Au moment de l'appareillage, le commandant et son adjoint, un officier politique, se voyaient remettre des enveloppes scellées qui contenaient leurs instructions et n'étaient ouvertes que lorsque le sous-marin avait pris la mer. Et en principe, jusqu'à son retour à son port d'attache, à part quelques brefs messages radio indiquant sa position, le bâtiment demeurait silencieux. Mais la base pouvait le joindre. Naturellement. Voyons maintenant comment a commencé sa dernière mission. Fin février 1968, alors que le K-129 vient tout juste de rentrer de l'une de ses missions indépendantes, le capitaine de vaisseau Kobzar, un marin aguerri qui commande le navire depuis 3 ans, reçoit l'ordre de se préparer pour un nouvel appareillage. Et c'est tout à fait insolite. Et pour quelle raison ? Parce que le K-129 ne devait pas reprendre la mer avant plusieurs mois. C'était même si vrai que le commandant avait accordé de longues permissions à ses marins. Et il faut donc les faire revenir en toute urgence. Mais est-ce qu'on explique à ce Kobzar, c'est ça, pourquoi le K-129 doit repartir aussi vite ? Ce n'est pas vraiment clair. Il est vaguement question de remplacer un autre sous-marin qui aurait été victime d'une panne. En tout cas, il faut obéir. Les hommes en permission sont rappelés et l'équipage se prépare à appareiller. Mais il se produit un deuxième fait inhabituel. La veille du jour prévu pour l'appareillage, 11 nouveaux marins se présentent au commandant Kobzar. Ils ont des ordres écrits. Ils doivent embarquer. Et ce sont d'authentiques marins ? Apparemment, oui. Mais avant le départ, on ne les verra guère frayer avec l'équipage habituel du K-129. Un équipage qui d'ailleurs ne les voit pas arriver d'un bon œil. Le K-129 est conçu pour embarquer 83 marins, pas un de plus. Et l'arrivée impromptue de ces 11 hommes signifie qu'on devra se serrer encore un peu plus que d'habitude. Et la vie à bord d'un sous-marin n'est déjà pas très confortable. Et en outre, il y a la question des vivres. Il faudra partager. Oui, parce que les provisions embarquées ont été calculées au plus juste pour une mission de 2 mois. Et puis, le sous-marin ne comporte que 27 couchettes. Oui, avec le système de la couchette chaude. Ouais. Ça veut donc dire des minutes de sommeil en moins aussi. Exactement. Ouais. Quoi qu'il en soit, il n'est guère possible de discuter. Kobzar donne donc l'ordre d'appareiller avec cet équipage en surnombre. Pour avoir une idée relativement précise de la route que va suivre le K-129, on ne dispose que d'informations fournies par les Américains. Car les autorités soviétiques sont restées obstinément silencieuses sur ce sujet. Seule indication qu'elles ont fournie, le K-129, naviguant vers le sud-ouest, aurait omis d'envoyer le message signifiant qu'il avait franchi la ligne internationale de changement de date. Alors cette route quand même, une première observation, là, vous avez dit que le sous-marin possédait des qualités de furtivité. Certes, mais les Américains avaient truffé le Pacifique d'installations leur permettant de suivre assez précisément les sous-marins ennemis. Je vous passe les détails, mais il y avait tous les satellites espions, les bâtiments de surface équipés de sonars et tout un réseau d'hydrophones, c'est-à-dire des systèmes d'écoute sous la mer. Bref, il était difficile d'échapper à la surveillance de la marine états-unienne, même en naviguant le plus silencieusement possible et en jouant avec les couches thermiques de l'océan qui réfléchissaient différemment les sons en fonction de la profondeur. Ah, vous êtes un spécialiste, hein. Donc je reviens à ma question, là. Quelle route a suivi le K-129 ? Le 1er mars, il se serait trouvé à mi-chemin entre sa base et Hawaï. Il naviguait alors en plongée, et la nuit, il pouvait descendre à moins 240 mètres. 4 jours plus tard, il poursuit sa route en direction d'Hawaï. Et ça étonne beaucoup les Américains, car ça ne correspond pas aux missions qui sont d'habitude confiées à ce genre de bâtiment. Et ça les inquiète ? C'est la guerre froide, je vous le rappelle. Et on ne voit pas sans une certaine appréhension un sous-marin ennemi pourvu de missiles balistiques à tête nucléaire se rapprocher de vos côtes. Hawaï se trouve la base de Pearl Harbor. De très mauvais souvenirs. Est-ce que les Américains se préparent à une action défensive ? Il est certain que leurs bombardiers sont prêts à décoller. Mais pour le moment, le K-129 navigue dans les eaux internationales. Et rien, à part ce positionnement inhabituel, n'indique qu'il pourrait avoir des intentions belliqueuses. Pourtant, il continue à se rapprocher. Le 6 mars, il navigue à petite vitesse en direction d'Hawaï. Et à seulement 350 000 nautiques de la côte. Pearl Harbor se trouve donc sous la menace éventuelle de ces missiles. Et ce, depuis longtemps, puisque la portée de ces engins était de 700 ou 800 000. Mais dans la nuit du 7 au 8 mars, il se produit un événement tout à fait inattendu. Le K-129 fait surface. Et soudain, une énorme explosion secoue le sous-marin et il coule presque aussitôt. Et cette explosion a été détectée par les systèmes américains de surveillance ? Oui, car elle a été accompagnée par la production de 2 boules de feu très intenses. Repérées par les satellites. Et c'est très important, car ça a aussi permis aux Américains d'avoir une idée très précise de la position du sous-marin, et donc de l'endroit où l'épave a dû se poser sur le fond de l'océan. Est-ce que ces observations donnaient des indications quant à la nature même de l'explosion ? Non, pas vraiment. Mais les spécialistes émettent très vite plusieurs hypothèses. La première, ce sera d'ailleurs toujours l'explication officielle donnée par les soviétiques, consiste à prétendre que l'explosion puis le naufrage ont été provoqués par une collision avec un autre sous-marin. Un sous-marin ennemi. Bien entendu. Ouais. Et ça pourrait expliquer le naufrage, mais l'explosion ? Une partie du sous-marin, les tubes contenant les torpilles par exemple, aurait pu être touchée et le carburant et les têtes de ses armements auraient explosé. C'est quand même douteux. Hein. Ouais, mais les soviétiques allégueront qu'un sous-marin américain, le Swordfish, regagnera sa base japonaise 3 jours plus tard pour réparer sa coque sévèrement endommagée. Et ce pourrait être le responsable de la collision ? C'est toujours ce que prétendront les autorités soviétiques. C'est vrai que c'est troublant, ça. Mais les Américains nieront toujours. Ils proposeront, eux, une autre hypothèse. Au moment où les marins du K-129 auraient rechargé les batteries du bâtiment à cause d'un équipement défaillant, il se serait produit une dangereuse accumulation d'hydrogène. Il aurait alors suffi d'une simple étincelle pour provoquer une explosion dévastatrice. Version américaine, non ? Mais ni Washington ni Moscou n'ont voulu envisager une troisième hypothèse, la plus effrayante. Rendez-vous avec X. À l'appui de la version soviétique du naufrage, j'ai trouvé cette relation dans un livre, La dramatique histoire des sous-marins nucléaires soviétiques, écrit par 3 anciens officiers sous-mariniers russes. Je cite. Parmi les causes possibles du naufrage du K-129, sa collision avec un sous-marin de filature américain n'est pas à rejeter. Il pourrait s'agir du Swordfish qui, 3 jours après la disparition du navire soviétique, est arrivé à la base de Yokosuka, au Japon, avec une déformation à la baignoire, partie supérieure du roof. Si cette hypothèse est la bonne, les Américains ne pouvaient évidemment pas ignorer les coordonnées du naufrage. Le caractère probable de cette version a été confirmée en 1982 quand un sous-marin américain est entré en collision avec un SMLE, sous-marin lanceur d'engins soviétiques, dans la mer de Barents. Les deux citernes de ballast principales et l'hélice droite du submersible russe ont été détruites alors que le navire américain n'avait pour tout dégât que des éraflures sur le chapeau du kiosque. Cet ouvrage est paru en 1992 chez Robert Laffont. Alors, quelle est cette troisième hypothèse, la plus effrayante, avez-vous dit ? J'y viens tout de suite. Auparavant, un fait qui pourrait accréditer l'hypothèse formulée par Moscou, enfin celle de la collision avec un sous-marin américain. Fin mai 1968, donc un peu plus de deux mois après le naufrage du K-129, un submersible de la marine états-unienne, le Scorpion, coule soudainement au large des Açores, avec 99 hommes à bord. Un naufrage bien mystérieux. Certainement essayer de comprendre. Bien sûr, mais les explications données par la marine américaine ont paru bien alambiquées. On a parlé, par exemple, d'une mauvaise manipulation d'une torpille à l'intérieur du sous-marin, ou encore d'un exercice de tir défectueux. La torpille éjectée revenant frapper son lanceur. Une torpille qui fait demi-tour, ça ne me paraît pas très sérieux. Vous avez raison. C'est pourquoi, dans le petit monde des sous-mariniers, on a évoqué, à demi-mot, une autre explication. Celle d'une action de représailles. Représailles soviétiques après le naufrage du K-129 ? Exactement. Les soviétiques se seraient vengés à leur manière en torpillant le Scorpion. Et vous le constaterez un peu plus tard, la marine de Moscou avait les moyens de détecter les mouvements des bâtiments états-uniens. Et donc la possibilité de frapper l'un d'entre eux. Oui, mais enfin, n'allons pas trop vite. Il y avait longtemps. En tout cas, j'observe que la possibilité d'une frappe soviétique vous paraît assez crédible. Même si la solidarité qui existe entre les sous-mariniers de toutes les marines me fait douter. En temps de paix, il me semble quand même difficile d'imaginer un acte aussi froidement prémédité en voyant par le fond une petite centaine d'hommes. Ouais, d'accord, mais il y avait eu auparavant le précédent du K-129. Certes, mais si collision il y a eu, elle était forcément accidentelle, car le sous-marin responsable risquait gros et pouvait aussi sombrer. En tout cas, cette hypothèse de l'accident n'était nullement invraisemblable. Le jeu de cache-cache auquel se livraient les submersibles des deux adversaires était risqué. En plongée, les sous-marins sont quasiment aveugles et naviguent en silence. Ouais. La probabilité d'une collision existe donc. Et on en a eu plusieurs exemples. Rappelez-vous le naufrage du Kursk. On a aussi évoqué la possibilité d'une collision. Toutefois, bon, je ne peux pas vous en dire plus. D'autant que 15 ans plus tard, l'observation de l'épave du Scorpion par un mini-robot n'a pu fournir aucune indication probante sur un éventuel tir de représailles. Échouée à 3000 mètres de fond, la coque du sous-marin a été écrasé par la pression. Il était donc impossible de savoir si le Scorpion avait été torpillé. Et si la marine américaine a envoyé cet engin observer l'épave, c'était surtout pour essayer d'obtenir des informations sur son éventuelle radioactivité. Car c'était un sous-marin à propulsion nucléaire. Il était donc équipé d'un réacteur, mais aussi de deux torpilles à tête nucléaire. Alors, au risque de me répéter, je vous affirme qu'on ne peut pas en savoir plus. À moins qu'un jour, la marine américaine ne se décide à ouvrir ses dossiers plus secrets. Venons-en à ce que vous m'annonciez, là, cette hypothèse effrayante qui expliquerait la catastrophe du K-129. Eh bien, la voici. L'explosion se serait produite au moment du tir d'un missile balistique pourvu d'une ogive nucléaire. Un tir d'exercice ? Pas du tout. C'était Pearl Harbor qui était visé. Un acte de guerre, là ? Oui, aussi aberrant cela paraisse. Mais qui aurait pu donner un ordre aussi fou, susceptible de déchaîner le feu nucléaire dans le monde entier, hein ? Le Kremlin ? Quelques hiérarques soviétiques, oui. Mais pas le Kremlin en tant que tel. Donc pas le numéro un soviétique, Léonid Brejnev. Cependant, avant d'aller plus loin, il me faut vous expliquer pourquoi ce tir de missile aurait échoué et fini par provoquer le naufrage du K-129. Les deux supergrands étaient parfaitement conscients des dangers de la course à l'atome. Et ce qu'il craignait par-dessus tout, c'était l'initiative d'un docteur Folamour. Un fou bien placé dans la hiérarchie qui aurait pu appuyer sur le bouton commandant le feu nucléaire. Par conséquent, les deux pays avaient multiplié les garde-fous, au sens propre comme au sens figuré. Des systèmes de sécurité. Des procédures très complexes. Et c'est ce qui a permis, malgré quelques alertes très chaudes, de préserver la paix. Les plus hautes autorités militaires des deux pays avaient même signé des accords ultra-secrets régissant ces procédures. C'est ainsi que les missiles balistiques étaient équipés de systèmes commandant leur destruction automatique si un tir était déclenché par erreur ou sans avoir été autorisé au plus haut niveau du commandement militaire et du pouvoir politique. Alors c'est ce qui se serait passé à bord du K-129 ? Selon cette hypothèse, oui. Alors on peut imaginer le scénario suivant. Premier acte. Les initiateurs de l'opération, des hommes forcément haut placés dans la hiérarchie soviétique, décident d'affecter au K-129 une nouvelle mission, quitte à rompre avec la tradition de la marine qui voulait que l'équipage tout juste débarqué jouisse d'un repos bien gagné. Le sous-marin prend donc la mer en toute urgence. Et je vous l'ai dit, il suit une routine habituelle et quitte les eaux du Pacifique Nord où il effectuait habituellement ses missions de routine. Explication. À bord, le commandant n'est plus le seul maître après Dieu. Ah, ces 11 marins inconnus là, qui ont embarqué au dernier moment ? Oui, ils ont vraisemblablement pris le contrôle du sous-marin en faisant peut-être état de documents officiels ou de leur qualité d'agent du KGB. Ils n'auraient donc pas eu besoin d'user de la force pour s'emparer du K-129 ? C'est ce que je crois. Et l'équipage aurait obéi, pensant accomplir une mission ordonnée par les plus hautes autorités du pays. Seul le commandant et son adjoint politique auraient peut-être pu protester. Ben, s'ils l'ont fait, ils n'ont pas été écoutés, puisque le sous-marin Renégat a poursuivi sa route en direction d'Hawaï. Ouais, jusqu'au moment où, à 300 et quelques milles de Pearl Harbor, le bâtiment a fait surface. Et l'ordre de tir a été donné à l'équipage. Mais les comploteurs ignoraient qu'il existait une phase ultime avant de procéder à ce tir. Sans doute une ligne de code ultra-secrète. Ouais. Et le dispositif d'autodestruction a joué son rôle. La tête du missile a explosé avant même que l'engin ne prenne son envol et le feu a dû se communiquer rapidement à l'intérieur du sous-marin et précipiter le naufrage. Oui, ouais, ben je veux bien, mais enfin, il ne s'agit là que d'une pure spéculation. Hein. Et qui repose quand même sur quelques éléments bien concrets, vous me l'accorderez. À commencer par la présence à bord de ces mystérieux marins. Mais il y a aussi un fait très troublant. Pourquoi le K-129 a-t-il brusquement fait surface alors qu'il avait jusque-là navigué en plongée ? Et pourquoi a-t-il surgi à cette distance de 355 000 nautiques de Pearl Harbor ? Ben, vous avez les réponses ? Ben, je vous rappelle simplement une donnée importante. Un sous-marin de la classe Golf II, comme le K-129, n'avait nul besoin de remonter à la surface pour tirer un missile. C'était même ce qui le distinguait de son ancêtre, le Golf 1. D'autre part, les missiles dont il était équipé avaient une portée de 700 ou 800 milles, ce qui n'était pas le cas des engins que transportaient les sous-marins de la classe Golf 1. Conclusion, le K-129 s'est comporté comme s'il était un Golf 1. Oui, mais où voulez-vous en venir, là ? Une seule marine possédait encore des Golf 1 opérationnels, la marine chinoise. Commencez à comprendre ? Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. C'est un livre passionnant. écrit par un journaliste américain et un vétéran de l'US Navy, il accrédite l'hypothèse formulée par M. X d'un tir avorté de missile sur Pearl Harbor. J'extrais ces quelques lignes de cet ouvrage intitulé « K-129, une bombe atomique sur Pearl Harbor ». Les auteurs bien informés décrivent les procédures en usage dans la marine soviétique avant le tir d'un missile. L'état-major général à Moscou devait transmettre les ordres au sous-marin pour l'informer qu'une situation d'alerte rouge existait. Un ordre transmis de se préparer pour un tir de missile impliquait qu'une frappe nucléaire contre la mère patrie était imminente ou en cours et les marins soviétiques étaient entraînés à obéir sans discuter. Sous ce protocole, ce n'est qu'à ce point que le commandant du sous-marin ouvrait un dossier d'ordre préempacté, envoyant le sous-marin vers un objectif. Ces instructions cachetées définissaient la route jusqu'à un point déterminé par des coordonnées, l'emplacement de tir situé à proximité de la zone générale de patrouille du sous-marin. Une fois le bâtiment positionné près de son point de lancement, le commandant et son officier politique attendaient normalement l'ordre de confirmation de lancer les missiles du commandement de la flotte. Ce dernier message du quartier général comportait une série de codes à ajouter au code du commandant, complétant ainsi les informations requises pour entamer la séquence de tir. C'est alors qu'un autre paquet détenu dans le coffre du commandant, était ouvert. Il contenait les codes devant être affichés dans le système de commande et de guidage du missile nucléaire. La combinaison des codes désarmait aussi le système de sûreté intégré du missile. Le livre de Kenneth Sewell et Clint Richmond a été publié par Marine Éditions. Si je vous ai bien compris, on a donc voulu faire croire aux Américains que c'était un sous-marin chinois qui attaquait Pearl Harbor. C'est bien ça. Et l'objectif poursuivi ? Provoquer une guerre entre les États-Unis et la République populaire de Chine, c'est-à-dire les deux meilleurs ennemis de l'URSS. Ça me semble quand même complètement fou. Eh bien, détrompez-vous. Il suffit de tenir compte du contexte international qui prévalait en ces années-là. Les rapports entre la Chine et l'URSS, d'abord, depuis 1964, date à laquelle le monde a appris que Pékin était désormais doté de la bombe atomique, les relations entre les deux géants du monde communiste n'avaient cessé de se détériorer. Il y avait eu même des différends territoriaux. Qui avaient même donné lieu à des engagements armés sur la frontière entre les deux pays. Ouais. Des centaines de soldats y avaient trouvé la mort. Et une vraie guerre pouvait résulter de ces affrontements localisés. En outre, le conflit idéologique avait pris de l'ampleur. Et ça va prendre une dimension supplémentaire dans cette deuxième moitié des années 60, lorsque Mao lance la révolution culturelle. Oui. C'est aussi la place de numéro un du monde communiste qui est en jeu. Et la compétition est féroce et se déroule sur presque tous les continents. C'est si évident qu'à Moscou, dans les cercles du pouvoir, on se demande même si la détermination d'ennemi principal ne devrait pas revenir à la Chine. À la place des États-Unis. Mais après réflexion, les hiérarques ont jugé que les États-Unis demeuraient prioritairement l'adversaire de l'URSS. Et c'était particulièrement évident au Vietnam, où les Soviétiques soutenaient activement le combat des communistes. Mmh. Et 1968, c'est aussi l'année de la grande offensive du Tet. Et de l'accroissement de l'engagement militaire américain. Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable de penser que chez certains dirigeants soviétiques est germée l'idée de provoquer un conflit armé entre la Chine et les États-Unis. Mmh. Au risque d'embraser la planète tout entière. En effet, oui. Mais s'il y a un début de vérité là derrière votre thèse, quels auraient pu être ces dirigeants soviétiques à l'origine de ce complot ? Il faut sans doute chercher du côté des plus durs des membres du bureau politique du Parti communiste de l'URSS. Des hommes suffisamment haut placés dans la hiérarchie pour pouvoir organiser le complot et bénéficier de complicité dans la marine soviétique. Afin d'envoyer le K-129 accomplir cette mission clandestine. Mais en même temps, des dirigeants qui n'étaient pas au fait du protocole secret qui seul pouvait conduire à utiliser le feu nucléaire. Et sans détenir la moindre preuve, cela va sans dire, je pense à deux hommes en particulier. Souslov, l'idéologue du bureau politique, un dur parmi les durs. et Andropov, qui un an plus tôt avait été nommé à la tête du KGB. C'est pourquoi je vous ai laissé entendre que les 11 marins qui ont embarqué à la dernière minute sur le K-129 étaient sans doute des agents du KGB. Ouais, pure supputation. Mais le complot a échoué. Et ça explique que les dirigeants soviétiques qui ont fini par apprendre la vérité ont toujours observé le plus grand silence sur cette affaire et s'en sont tenus à la version de la collision avec un sous-marin américain. Je veux bien, mais si Brejnev, par exemple, a su la vérité, n'a-t-il pas été tenté de faire le ménage et de se débarrasser de ces dangereux comploteurs ? Bon, sous Staline, c'est certainement ce qui se serait passé, mais sous Brejnev, il en allait autrement. Andropov a mis la main sur le KGB. Et il en savait beaucoup sur la corruption qui régnait dans le clan du secrétaire général, y compris dans sa propre famille. Quant à Souslov, il était unanimement respecté par ses pairs. Il n'y a donc pas eu de sanction. Et pourtant, Brejnev, quand il aurait appris quelle était la véritable mission du K-129, serait entré dans une violente colère et il en aurait profité pour priver le KGB du contrôle des armes nucléaires. La mesure de représailles vis-à-vis de la centrale soviétique. Et nouvel indice impliquant le KGB. Mais je vous donnerai le fin mot de l'histoire, la preuve que c'est bien au sein du KGB que cette opération a été montée. Mais encore un petit peu de patience. Mmh. Et voyons la suite, qui n'est pas moins étonnante. Je vous écoute, là. Complot ou pas complot, les Soviétiques ont fait le maximum pour retrouver l'épave du K-129, dès qu'ils ont eu la certitude que leur sous-marin était perdu. À cause des missiles qu'il contenait, hein. Principalement. Mais à la différence des Américains qui avaient vu l'explosion grâce à leur satellite, les Soviétiques ne savaient pas où le naufrage avait eu précisément lieu. Étant donné les relations très tendues entre les deux marines, ils ne pouvaient guère compter sur les Américains pour les aider dans leurs recherches. Aussi ont-ils assez grossièrement estimé la zone où le K-129 avait vraisemblablement sombré. Et c'est une véritable armada qui a été mobilisée afin d'entreprendre des recherches. Mmh, mais des recherches qui sont demeurées vaines. Bien entendu, puisqu'ils ne cherchaient pas au bon endroit. Et les Américains ont attendu que la marine de Moscou se lasse avant de commencer eux-mêmes leurs propres recherches. Et eux connaissaient la position du K-129 au moment où il a coulé. Si bien que dès le mois d'août 1968, un sous-marin espion a pu localiser l'épave du submersible et même la photographier. Et conclusion de cette première observation. Le K-129, qui reposait par 5000 mètres de fond, s'était brisé en 4 ou 5 sections. Et plus intéressant était le fait que l'épave portait une large déchirure à l'arrière du kiosque, la même où débouchaient les tubes contenant les missiles. Une confirmation qu'un de ces engins avait pu exploser. Mais les Américains ne se sont pas contentés de ces premières observations. D'une part, ils voulaient savoir exactement ce qui s'était passé à bord du K-129. Et d'autre part, ils avaient très envie d'explorer l'épave du submersible. Et à cause des secrets qu'ils pouvaient y trouver. Et ils ne désespéraient pas d'en apprendre un peu plus sur les missiles balistiques soviétiques. Mais bien sûr, il n'était pas question d'envoyer des hommes à de telles profondeurs. Avec l'accord complet de la Maison-Blanche, on a donc monté une gigantesque opération visant à récupérer l'épave du sous-marin. À remonter à la surface. Oui. Et bien sûr, cela devait être accompli dans le plus grand secret. Pour ne pas alerter les Soviétiques. Naturellement. C'est pourquoi ce projet a été piloté directement par le président et son conseil de sécurité en collaboration avec la CIA. Et pour le préserver un secret absolu, la marine états-unienne n'a pas été associée à ce programme. Et sans le savoir, la Maison-Blanche a bien joué. Vous comprendrez bientôt. Encore un mystère. En attendant que vous le dissipiez, pouvez-vous me dire pourquoi le président, c'était alors Richard Nixon, s'est tellement impliqué dans cette affaire? Je pense qu'au vu des premières observations, ses conseillers et lui ont compris qu'il s'était déroulé un événement très grave à bord du K-129. Peut-être une tentative donc de tirer une bombe atomique sur le territoire américain. Et Nixon a voulu en avoir le cœur net. Parce que s'il était prouvé qu'un bâtiment de la marine soviétique avait réellement voulu déclencher une guerre nucléaire, il en tirerait argument contre Brejnev. Oui, l'occasion de le mettre en difficulté. Évidemment. Car si le fait était avéré, il n'y avait que deux possibilités. Ou bien le pouvoir soviétique avait donné l'ordre de tirer ce missile, et c'était criminel, ou alors l'initiative avait été prise par des félons. Et ça voulait dire que le maître du Kremlin ne tenait pas sa maison. Donc pour la Maison-Blanche, il fallait absolument essayer d'en savoir plus. Et c'est ainsi qu'a été mis en œuvre le projet Azorian, le nom de code de cette formidable opération qui a coûté pas moins de 500 millions de dollars. Songez qu'il a fallu construire un navire spécial, un bâtiment aussi long qu'un cuirassé, équipé d'une énorme pince, une prodigieuse araignée comportant 8 bras à commande hydraulique. Pour saisir l'épave. Et la remonter à la surface, jusque dans le ventre de ce bateau, le Hughes Glomar Explorer. Hughes, comme Howard Hughes, là, du nom de ce milliardaire fantasque, pionnier de l'aéronautique, qui vivait reclus à Las Vegas, mais qui était resté très proche des services secrets. Hein. Lui-même. C'est son entreprise qui a été chargée de construire le bâtiment. Alors, il s'agissait d'un camouflage. Oui, officiellement, il s'agissait de concevoir un navire chargé de récupérer dans les fonds sous-marins des nodules riches en minerais. Mais je vous passe le détail de cet incroyable défi technologique, car il s'agissait quand même d'aller pêcher à 5000 mètres de fond une épave qui pesait des milliers de tonnes. Oui. Alors le résultat ? En 1974, donc plus de 6 ans après la disparition du K-129, le Hughes Glomar Explorer a enfin pu appareiller et rejoindre le lieu du naufrage. Et la pêche a commencé ? Tout de suite, oui. Mais comme l'affaire a été entourée du plus grand secret, aujourd'hui encore, on ne sait pas précisément ce qui s'est passé. Et je vous l'ai dit au début de cet entretien, la CIA a censuré le rapport qui a été rédigé à l'époque. Vous devez tout de même avoir une petite idée ? Oui, enfin, il semble que l'opération ait été encore plus délicate que ne le pensaient les ingénieurs. Des bras de la pince sont cassés lors de la remontée de l'épave. Et la coque du sous-marin, déjà bien endommagée, s'est brisée. Tant et si bien qu'un seul morceau du submersible aurait pu être récupéré. Une partie où on aurait trouvé des cadavres et 2 torpilles à ogive nucléaire. Mais toute l'opération, quand elle a été plus ou moins révélée par des fuites dans la presse, a sans doute été l'objet de manœuvres de désinformation. Pour éviter que Moscou n'en apprenne trop sur le renflouage ? Forcément. Ça n'a d'ailleurs pas empêché le Kremlin d'émettre des protestations officielles en accusant les Américains d'avoir profané le cercueil de ces marins morts au cours du naufrage. Et pour se dédouaner, les autorités de Washington ont produit un film vidéo montrant qu'une cérémonie funèbre avait été organisée avant que les dépouilles de ces malheureux ne soient à nouveau immergées. Ouais, mais l'important n'était pas là. Non. Ce que Moscou voulait savoir, c'est ce que les Américains avaient découvert dans l'épave. Et quelles conclusions ils en avaient tirées. Les 6 ans après le naufrage, était-ce encore important ? On peut le penser, puisque le secret demeure. Mais pour terminer, je vous livre cet élément de preuve qui implique le KGB. La centrale soviétique disposait alors d'une taupe dans la marine américaine. Un certain John Walker, un des plus grands espions de la guerre froide. Cet homme a non seulement fourni aux soviétiques de précieux renseignements sur la marine américaine, mais il a aussi contribué à préparer l'opération K-129. Et comment alors ? En faisant savoir au KGB que les Américains vivaient dans la hantise d'une attaque chinoise, une attaque nucléaire qu'ils jugeaient imminente. Par conséquent, si le K-129 avait réussi à tirer son missile, Washington n'aurait eu aucun doute sur l'identité de l'agresseur. Et la guerre aurait éclaté. Mais si vous le voulez bien, je vous reparlerai de ce John Walker. Pour terminer, je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Kenneth Sewell et Clint Richmond, publié par Marine Édition, K-129, une bombe atomique sur Pearl Harbor. Sur franceinter.com, vous pourrez écouter cette émission et peut-être la podcaster. À samedi prochain, Rebecca Denante a préparé cette émission. Michel Biou, Valérie Ayessa, ils l'ont réalisée. Et Monsieur Joub l'a illustrée musicalement. Et tout de suite après, le flash, un peu de verre, c'est au de mon amour de Denis Chessou.